Bien sûr, voilà. Donc, il est 13h passé de 30 minutes. Voici le retour avec l'accordéon pour l'après-midi du dimanche. Voilà donc, et bien j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne matinée, et puis ainsi que vous allez continuer de passer l'excellent après-midi avec l'accordéon. Voilà donc qu'on va débuter l'émission avec l'accordéon, avec la valse, et puis juste après, le polka. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Nous partirons avec des regrets en rêvant au bal. j'entends le chant des cigales qui nous conduit au sentier. Dans les genêts, une lumière très nous remet au bal des étoiles. Du Charleston et puis juste après la musette. Thank you. Voilà un autre morceau portugais, et juste après on écoutera le Madison. Thank you. ces chansons sont pour ma brune aux cheveux longs. Avec toi, le ciel restera bleu, mais seul, il devient orageux. Mon cœur voudrait être avec toi, mais il pleure quand tu n'es pas là. Tu as changé ma vie, mes rêves toutes les nuits. J'espère que pour toi, le bonheur ressemble à ça. Je voudrais bien te garder dans mes bras et ne plus te quitter. La vie ne fait que commencer et n'est pas prête de s'arrêter. Dans mes bras et ne plus te quitter. La vie ne fait que commencer et n'est pas prête de s'arrêter. Voici donc la marche et puis juste après le tango.

Voici donc la samba et puis juste après les castagnettes. La Java et puis juste après le slow. Ce soir, on va faire la Java. La Java.

tourner, de tourner. L'apéro, le whisky, à la tienne, à la mienne, à la tienne, à la mienne. Nous on s'est bien picolé. C'est donc la fiesta et puis la bourrée, juste après. Thank you. les amis, c'est la fête au pays. On oublie tous les soucis, on s'amuse et l'on rit. L'accordéon donne le ton, vive à la fiesta portugaise. Le soleil brille, oh tout c'est bon, vive à la fiesta portugaise. La fête au pays, la musique nous réunit jusqu'au bout de la nuit. La guitare et les percussions, vive à la fiesta portugaise. Le soleil brille, oh que c'est bon, vive à la fiesta portugaise. We'll be right back. Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Voici donc du Passe Double, puis juste après le country. Que celui apprécié en Espagne, notre passo douceur de nos montagnes. Celui apprécié en Espagne, notre passo, douceur de nos montagnes. Et l'on fredonne en scandant les mesures de la danse. Gentiment, doucement, tournoyons. Le passo est un gai tourbillon, moins fougueux que celui apprécié en Espagne. Notre passo, douceur de nos montagnes. We'll be right back. Voici donc du tcha-tcha et puis juste après la musette. tous les hirondelles à ce que la vie est belle. Un accordéon joyeux joue un air fabuleux à ce que l'on est heureux. Et le soir dans les ruelles, garçons et demoiselles chantent des ritournelles. Bien vite ils sont amoureux et c'est miraculeux, ils se retrouvent à deux. Et les yeux, dans les yeux, ils dansent en cadence. Langoureux, désireux, ils sont remplis d'éloquence. Et bientôt sous les tonnelles, comme deux tourterelles, à ce que la vie est belle. Bien cachés dans leur abri, ils apprennent les replis de leur anatomie. Quand on est petit enfant, bercé par ses parents, on se sent en confiance. On joue avec les copains, on ne s'occupe de rien, c'est pour ce qu'on est bien. Puis on est adolescent et l'on s'en va rêvant écrire une romance. Quand l'amour a pris nos cœurs, on voit la vie en couleur. Lorsque là-haut dans le ciel passent des hirondelles à ce que la vie est belle. Un accordéon joyeux joue un air fabuleux à ce que l'on est heureux. Et le soir dans les ruelles, garçons et demoiselles chantent des ritournelles. Bien vite ils sont amoureux et c'est miraculeux, ils se retrouvent à deux. Et les yeux, dans les yeux, ils dansent en cadence. Langoureux, désireux, ils sont remplis d'éloquence. Et bientôt sous les tonnelles, comme deux tourterelles, à ce que la vie est belle. Bien cachés dans leur abri, ils apprennent les replis de leur anatomie. Aujourd'hui, notre philosophie. Elle est pas belle, là. Arc-en-ciel. Thank you. Voici donc la valse trop, et puis juste après, tout simplement, la guinguette. Thank you. voici donc Laval, c'est puis juste après un tour avec la Java et la Tarentelle. Oh, l'Italie. C'est là-bas que ma mère m'a donné la vie. C'est là-bas que mon père m'a tout appris. Il fallait une tarentelle, il fallait une tarentelle pour vous chanter la terre où j'ai grandi. Il fallait une tarentelle, il fallait une tarentelle pour chanter la terre où je voudrais briller. Il fallait une tarentelle pour vous le dire. Et quand vient le soir sans bouger de mon lit, je m'en vais à Vérone ou à Napoli. Tous mes rêves s'achèvent quelque part du côté de l'Italie. Grazie mille, prego, arrivederci. J'ai besoin de ces mots, de leur mélodie. Il fallait une tarentelle, il fallait une tarentelle pour vous chanter la terre où j'ai grandi. Il fallait une tarentelle, il fallait une tarentelle pour chanter la terre. Seront partis, je sais que je vous quitterai mes amis pour aller m'installer quelque part du côté de l'Italie. Je partirai comme je me le suis promis, je partirai avec celle qui m'a dit oui. Il fallait une tarentelle, il fallait une tarentelle pour vous chanter la terre où j'ai grandi. Voilà, un retour avec deux acronistes portugais, puis juste après la farandole. Thank you. cette aimable jouait au floréal. Quel plaisir il avait, notre idéal. Son accordéon bourrait de chansons, un vrai magicien. On avait 20 ans, il y a déjà longtemps, et on s'en souvient. Quand aimable jouait au floréal, le tout Paris l'appelait le roi du bal. Le temps a passé, tu nous as quittés, rien n'est comme avant. Toi le généreux, un peu coléreux, t'avais du talent. Aimable jouait au floréal, quel plaisir il avait, notre idéal. Son accordéon courait de chansons, un vrai magicien. On avait 20 ans, il y a déjà longtemps, mais on s'en souvient. Quand aimable jouait au floréal, le tout Paris l'appelait le roi du bal. Le temps a passé, tu nous as quittés, rien n'est comme avant. Toi le généreux, un peu coléreux, t'avais du talent. Arc-en-ciel. Voici donc le Madison et puis juste après le Paso Doble. Thank you.

Muito boa tarde, são 3 horas no continente e na Madeira, 2 horas nos Açores. Vamos saber, Ana Isabel Costa, quais são os destaques das notícias a esta hora. O governo decreta um dia de luto nacional pela morte do mestre Manuel Cargaleiro. Morreu hoje aos 97 anos. Eleições em França, afluência elevada às urnas. Vamos até Paris ouvir o relato da enviada da Antena 1.